chose à faire. Ah, mais ça, c'est le petit truc, moi, je pense qu'il ne faut pas les mettre maintenant. Mais c'est la fin. Non, mais c'est un peu là. Thank you.